la femme de ma vie. C'était un mardi près de l'avenue Kennedy, assise sur un banc, un bouquin à la main. Elle tuait le temps en attendant le printemps. Je me suis assis près d'elle, l'air innocent, en lui disant que je pouvais lui raconter la fin. Elle gagnerait du temps, qu'avait rien d'intéressant, simplement que le héros mourrait trop souvent. Si t'es aussi rapide en amour qu'avec les bouquins, on n'ira pas bien loin, me dit-elle l'air malin. Plutôt direct pour une approche, je me suis dit c'est dans la poche. Parle-lui de toi, tu verras ce qu'elle te dira. On a commencé à discuter sur des sujets un peu branchés. Elle faisait preuve d'une certaine culture, je me suis dit c'est sa nature. Alors je lui dis parle-moi de ta vie, de tes envies, de tes ennuis. Si ça me plaît pas, je t'embêterai pas, je te laisserai là comme tu voudras. On s'est regardé dans le blanc des yeux, on était bien, on était heureux. Le monde autour n'existait plus, on s'était peut-être un peu perdu dans des détails du superflu. Car finalement on ne se connaît, elle ne sait pas. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait à part ça, et sa réponse a changé ma vie. Je suis travesti. Je me suis dit, il y avait un truc, ça devait être la perruque. Il ne faisait pas vraiment son âge, caché derrière le maquillage. Je me suis sauvé en m'écriant que le printemps, c'est pas maintenant. J'avais encore un peu de temps pour trouver une belle princesse et non pas un prince. Charmant. C'était un mardi près de l'avenue Kennedy. Je croyais avoir rencontré la femme de ma vie. C'était un mardi. Mais c'était un travesti.